Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Rouge comme les règles, une série de Juliette Boutillier réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a la difficulté d'évoquer les règles, les airs dégoûtés ou les rires gênés et l'envie de se souvenir de sa première fois ou de cette longue journée où l'on a tenté de cacher cette tache sur son pantalon. Et puis aussi, parler du quotidien qui va avec, jusqu'à la poésie étrange, faite de colère, de puissance, de honte et de fierté, qui peut s'en dégager quand on étale tout ce sang au grand jour. Alors pour commencer, les personnages. Une écrivaine ménopausée, des femmes qui se souviennent, des mères, des sœurs, une danseuse fatiguée de se taire, une femme qui a perdu sa mère et sa fille, et un loup-garou. Ensuite le décor, le musée d'Orsay, des toilettes où l'on scrute sa culotte, du papier roulé en boule, de la joie, de la surprise, des inquiétudes, des douleurs et le bord de mer. Aujourd'hui, deuxième épisode, je me souviens de ce jour-là. 2. La première fois que j'ai eu mes règles, c'était à Cannes, en plein été, en pleine vacances. J'ai découvert ça dans les toilettes et dans mon maillot de bain alors que je m'apprêtais à partir à la plage. Tout de suite, je l'ai dit à ma mère. Tout de suite, je me suis mise à pleurer. Mais ma mère a accueilli cette nouvelle de façon si joyeuse, si heureuse, si enthousiaste, en me déclarant fièrement que j'étais donc une femme maintenant, que j'en garde un magnifique souvenir. J'étais entrée dans le royaume des femmes, des adultes, et c'était merveilleux. Tant pis pour la plage. En tout cas, ce jour-là. Enregistrement 2. La première fois que j'ai eu mes règles, c'était à l'école. Alors le soir, je rentre chez moi et je suis un peu toute chose, toute excitée. Il y a plusieurs personnes qui mangent à la maison. Je dis rien. Et puis après le repas, je vais me coucher. Et j'appelle ma mère pour qu'elle me dise bonne nuit. Et là, je lui dis, ben voilà, dans ma culotte, c'est rouge. Depuis ce matin, c'est rouge. Et là, elle sort de ma chambre et elle se met à gueuler dans le couloir pour tous les gens qui sont en train de manger encore dans la cuisine. Ça y est, Karine est une femme. J'ai eu très honte. Vous les charmez, vos sourires nous attirent, nous des âmes. Vous les anges adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Ça y est, maman! J'ai mes règles. Ma chérie. 2. Alors, la première fois, j'ai fait comme si ça n'existait pas. Donc, j'ai pris du papier hygiénique, j'en ai fait une espèce de serviette assez épaisse, puisque j'ai entouré plusieurs couches. Et j'ai mis ça au fond de mon slip, et puis j'ai fait comme si ça n'existait pas. Et j'ai fait ça durant toute mon adolescence, en fait. J'en ai jamais parlé à ma mère, c'était une sorte de déni. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'impureté au travers de ce sang qui s'écoulait de moi et dont je ne voulais pas lui parler. Voilà. Je me souviens de, maintenant avec du recul, de grande solitude quand même. Vous les femmes, vous le charmez, vos sourires. Chez moi, c'était quelque chose de tu, de tabou. Ma mère disait le dem, qui veut dire le sang. J'ai ce mot qui me revient, c'est khmej, qui veut dire saleté, ordure. Voilà ce qui me revient. Mais en tout cas, si c'était évoqué, c'était en général quelque chose de dégueulasse. gehören wir für immer zusammen. Dieser Kelch wird seit Generationen immer wieder mit Menstruationsblut gefüllt. Comment on dit en allemand quand on a ses règles? C'est assez joli, on dit j'ai mes jours, ich habe meine Tage. On peut aussi dire ich habe meine Regel, j'ai ma règle, pas au pluriel mais au singulier. Oui, meine Tage, c'est un peu comme ici mes règles. C'est-à-dire à l'école, si on veut ne pas aller en sport et prétexter ou. Enfin, par exemple, voilà, à l'école, en sport, il y avait l'idée que si on a ses règles, on ne peut pas faire du sport. Alors qu'en danse, là, personne ne va s'arrêter de danser parce qu'il y a ses règles. De toute façon, il y aurait beaucoup de défections. Mais voilà, moi, quand j'étais adolescente, je n'avais pas très envie d'aller en sport. Et puis, donc, je disais très souvent que j'avais mes règles. Et là, j'aurais plutôt dit « ich habe meine Regel » plutôt que de dire « j'ai mes jours voilà. ». Der Kopf ist klar. Rouge. Histoire d'un tabou. Nos blessures régulières. C'est vrai que le son des règles paraît toujours un peu la dernière chose à mettre en jeu. Enfin, il y a une demande de discrétion voilà, tempérée ou alors appuyée qui fait que voilà, ne pas faire d'histoire avec ça, s'il vous plaît. D'accord, mais pas d'histoire. Sabine Mascher vient de soulever les voiles du silence et l'omerta liée au tabou. Dans cet épisode, cependant, nous vous proposons d'écouter le récit du Petit Rouge avec des histoires de personnes et amis sollicités et qui ont essayé de poser des mots sur l'intimité des premières fois en passant par les périodes douloureuses jusqu'au blanc de la ménopause. 2017 signe le grand coming out des règles avec 3 livres, Élise Thibault, Jack Parker, Camille Emmanuel, parus presque au même moment, avec l'apparition de scènes où les règles sont présentes dans les dernières saisons de séries Orange is the New Black, Glow, I Love Dick, et enfin avec toute l'agitation menstruelle que l'on pourrait qualifier de menstru web, au cours duquel des filles expliquent la cup ou parlent d'endométriose. Donc, voici une porte ouverte, non en catimini, qui par ailleurs vient du grec « katamenia » et qui signifie « menstruation », mais en douceur, dans le respect des histoires dévoilées. Écoutons donc ces premières fois, dont le récit est décodé par Aurélia Mardon, sociologue, qui expliquera comment cette petite entrée des règles raconte bien des choses sur ce sang, comme un potentiel marqueur féminin, parfois misogyne ou tout simplement naturel. Donc en fait, ce que je voudrais juste savoir, c'est vous, est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez eu vos règles? Oui. Comment ça s'est passé? En fait, c'était l'été, août, il y avait 40 degrés dehors, j'avais quoi, entre 2 ans et 13 ans, et puis j'étais dehors. Dans un coup, j'ai senti quelque chose qui sort. C'était mouillé. Il y avait plein de sang, là, là. Je savais, parce qu'on a pris à l'école, hein, je savais que c'est ça. Mais ma maman, elle m'a pas beaucoup parlé de ça. Je sais pas, on avait même pas les thèmes qu'on peut parler ensemble. C'était tabou thème, en fait. Quand j'ai eu ma règle, j'étais obligée de le dire, vous voyez. Elle m'a sorti serviette, elle a dit, maintenant, chaque mois, tu vas voir ça. Oh là là, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Oh là là, premier et deuxième jour, je peux même pas sortir. Et imaginez, une fois, ça a dépassé. Et voilà, j'étais bousse. Et puis, j'ai parti jusqu'à la dernière station parce que je pouvais pas sortir. Il y a quelqu'un qui va voir ce sèche. Et la dernière station, j'ai sorti de dernière. Et là, j'ai pleuré. J'ai dit, pourquoi moi? Pourquoi comme ça? Pourquoi? Moi, j'étais obligée, je me changeais chaque demi-heure, chaque 20 minutes en plus. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées dont vous avez parlé. Hein. Alors, je trouve que ce récit est extrêmement intéressant. Donc, à un moment donné, les règles, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette chose, ça, ce truc? Ce qui montre que c'est un moment marquant, c'est la précision aussi des lieux. Hein, là, elle se rappelait la chaleur, elle se rappelait l'endroit, le jour, etc. Donc il y a une bonne façon de raconter cette première fois. Et très souvent dans ce récit, on va ignorer le corps. Mais au contraire, beaucoup parler du contexte. Hein, on se souvient que ça s'est passé tel jour, il faisait chaud, il faisait froid, on était avec sa famille ou au contraire on était éloigné. Donc c'est une façon de raconter cette première fois sans parler de voilà, ce sang qui s'écoule des parties génitales du corps. Ce qui renvoie encore une fois à cette idée malgré tout du tabou. Hein, on ne parle pas de cette expérience de n'importe quelle manière. Et surtout le ça à mon avis. Est très important. Qu'est-ce que c'est que ça? La première fois que j'ai eu mes règles, j'avais 13 ans. Et en fait, la veille, j'étais partie avec une amie à Pigalle pour aller voir un concert. Et donc le lendemain matin, je me réveille, je vais dans la salle de bain. Je sais plus pourquoi, au moment où je faisais ma toilette intime, en fait... J'ai vu qu'il y avait du sang. Alors au départ, j'ai trouvé ça très bizarre. J'ai commencé à avoir un peu peur parce que je m'y attendais pas du tout. En fait, je crois que j'ai mis du temps à réaliser que je devenais une femme et puis ça m'a fait très bizarre. En fait, je pensais que j'étais dans un rêve et qu'en fait, ça pouvait pas m'arriver. Et quand j'ai réalisé, ça m'a fait plaisir parce que j'étais fière en fait d'avoir eu mes règles parce que je devenais une femme, ça veut dire que je grandissais. Et puis non, c'était une expérience assez troublante en fait, hein, qui m'a fait plaisir, mais ouais, assez troublante. Finalement, dans notre société, c'est un événement qui n'est pas ritualisé, qui n'est pas associé à un rite. Je veux dire, dans la société rurale, c'était la première communion qui marquait l'entrée dans la puberté, l'entrée dans la jeunesse, l'âge de la jeunesse. Et aujourd'hui, il n'y a pas forcément de ritualisation de cet événement. C'est vraiment un moment vécu en famille et parfois tout seul. Donc, ça renvoie aussi au fait que les filles, parfois, conservent pour elles ce moment. C'est aussi un moment dans la biographie d'une femme extrêmement important et certaines ont aussi besoin d'un petit peu de temps pour se l'approprier. Voilà, il n'y a pas forcément d'équivalent pour les hommes. Ce qui est incroyable, c'est qu'en même temps, ça signe l'entrée dans ce pouvoir de la fécondité, de la procréation et de l'associer à la honte et au dégoût. Finalement, c'est triste en fait. Mais ça renvoie aussi à la façon dont le social construit le féminin et hiérarchise les hommes et les femmes dans notre société. Et c'est pour ça que, avec cette petite entrée des règles, cette entrée, physiologique, qu'est-ce qu'on peut dire sur les règles? Mais finalement, on peut dire beaucoup de choses des rapports sociaux de sexe, à partir des règles, à partir des premières fois, de cette première fois. Il y a plein d'images qui me viennent quand j'ai mes règles. Des menstruations, des mensualidades, on dit en espagnol. Les lunes, c'est joli, des fois ça fait un peu trop hippie, mais c'est joli. Ici, on dit me bajo, ça me descend. Voilà, ça m'est descendu. Pas besoin de dire beaucoup plus. Petit 3, je suis cette femme. Sophie Doll. Écrivaine et comédienne. Qui fut une fille et qui fut une mère. Je n'ai plus ma mère, je n'ai plus ma fille. Je suis sans ascendant ni descendant. Et c'est celle qui m'a engendrée et celle que j'ai engendrée sont mortes toutes les deux de façon brutale. Bon, je pense, j'évoque pas pour ma mère. C'est un fait divers sordide qui lui a ravi la vie. Et je l'ai trouvée dans une mare de sang. Et mon sang m'a quitté, forcément. C'est-à-dire que, enfin, je dis ça, c'est une interprétation un peu poético machin, mais quand je dis que mon sang m'a quitté, c'est, je pense, un coup de pâleur où mon sang, quand on dit le sang vous quitte, on est exsangue, on n'a plus de sang. Ouais. Et quand je dis mon sang m'a quitté, j'avais 19 ans et demi, j'ai plus eu de règles pendant presque un an. Et c'est, enfin, la nuit où elle est morte, hein, bon, il s'agit d'un assassinat, alors que c'était pas du tout mes périodes. Period, c'est ça qu'ils disent les Anglais, hein, je crois, en anglais. Ouais. J'avais mal aux ovaires, mais une torture. Et le lendemain matin de cette nuit atroce où je souffre, je trouve ma mère Et je... Voilà, j'ai plus de règles, quoi. Pendant un an. Une aménorrhée, ça s'appelle. C'était la panne, quoi. Le corps était en panne. Et puis c'est revenu, bon, j'imagine... Quand travail de deuil, ça veut rien dire du tout. Je déteste cette expression. En tout cas, le corps doit quand même accomplir une histoire. C'est une affaire, je sais pas, de cicatrice peut-être. Je parle pas de celle de l'âme, hein, mais je pense que le corps, voilà, fait l'épreuve, l'enregistre, l'intègre, et l'ayant intégré, peut retravailler sur une normalité des travaux et des jours. Et donc, c'est revenu. Mais voilà, je ne peux en rajouter plus là-dessus. Il y a juste une manifestation de matrice à matrice, un peu en vrac, du coup, qui a fait que... Quand Camille est morte, ma fille, pareil, un Noël 2013, assez... on ne s'y attendait pas. C'était une jeune fille en pleine santé qu'un microbe a tué en 3 jours. Aménorrhée. Idem. De nouveau, mon sang s'arrête, comme le sien, parce qu'elle était réglée. Et d'ailleurs, elle est morte pendant qu'elle était en phase de... Comment ça s'appelle ? De règles, oui. Elle avait ses règles, et c'était compliqué, parce qu'elle ne pouvait plus du tout bouger, et elle ne pouvait pas mettre de serviette. Enfin, ça redoublait à la fièvre et au virus, il y avait aussi du sang. Et de nouveau, je n'ai plus de règles. Alors là, pareil, question, s'agit-il de la ménopause, puisque j'étais quand même dans une phase avec des règles un peu chaotiques, un cycle complètement perturbé, où des fois un protège-type ça suffit et ça dure 2 jours, puis de temps en temps c'est l'hémorragie pendant 5 jours. Bon, je laisse vivre, je ne consulte pas, c'est pas une maladie, je ne m'inquiète pas, je sais qu'il faut que je consente à quelque chose qui est de l'ordre du dérèglement, c'est le cas de le dire, et que c'est normal que ma matrice... d'où est sortie Camille, sont un petit peu fracassées, quand même, je me dis. Et ça dure peut-être plus de 3 mois, quelques mois. Camille est morte en décembre, jusqu'en juin, par là, c'était rien. Je finis par me dire que c'est la ménopause. J'avais 50 ans, 50, 51 ans. Et dans l'été, qui suit la mort de Camille, en août, donc comme mes premières règles d'adolescente, reviennent des règles. Alors là, un rouge fluide, clair, magnifique, luisant, plein de vie, jeune, un jeune sang. Et je me dis, parce que c'était la réouverture d'un cycle qui dure encore, j'ai 52 ans, et je suis encore réglée, et je fais l'interprétation suivante, 2 points, qu'elle m'a légué son sang, que j'ai désormais le sang d'une jeune fille de 16 ans, et que c'est sa façon à elle de se maintenir près de sa mère. Voilà, mais alors voilà, ça peut devenir cocasse même par moment, puisque je me retrouve à faire des tests de grossesse à mon âge, quoi. Parce que je suis en panique, vu que ma gynéco avait retiré, stérilé, tout ça, en me disant c'est bon maintenant, n'en parlons plus, et que par bonheur j'ai toujours une activité sexuelle, j'ai eu des moments de panique, j'ai toujours une ordonnance d'avance de test de grossesse dans mon portefeuille. Et cet héritage, ce legs hein, du sang de jeune fille, hein, j'ai décidé ça, que j'avais le sang de Camille maintenant. Moi, j'ai beaucoup aimé avoir mes règles. J'étais plutôt dans la case, je sais pas, ça me paraissait un truc bien. Sabine Macheur, écrivaine et danseuse contemporaine. Et d'ailleurs, je me disais, merde, comment je vais faire? Quand j'aurai plus mes règles, je vais disparaître. Mais en fait, j'avais résolu la question en me disant que j'aurais toujours mes règles. Que moi, je j'aurais pas de ménopause. Ma mère a eu la gentillesse de me dire que quand même la vie pouvait vivre aussi sans avoir ses règles. Je la croyais pas, mais voilà, en fait, maintenant je dirais que oui. Mais quand j'étais enceinte, par exemple, j'étais aussi très troublée. Enfin, une des choses qui m'a troublée, c'est de ne pas avoir mes règles. Et de ne pas les avoir après non plus. Et je trouvais ça, oui, un peu abusif. Voilà. Mais à part ça, j'ai eu très mal aussi pendant mes règles. Et il y a plein de moments où je me suis dit... où j'ai senti le côté affaiblissant ou un peu compliquant les choses, mais jamais je me suis dit « Ah, je serais contente de ne pas avoir mes règles » ou « C'est injuste que les femmes ont des règles ». J'ai toujours eu l'impression que c'était quelque chose qu'on avait en plus par rapport aux hommes qui ne l'avaient pas. Alors que je connais plein de femmes qui me disent « Ah oui, c'est vraiment injuste, en plus on a les règles ». Genre « On n'a pas de zizi qui dépasse et en plus on a des règles ». Mais bon, voilà, il y a vraiment beaucoup dans l'écriture, je me suis rendu compte que voilà, quand parfois il y avait une mention de règles qui apparaissait, comme le reste, quoi. C'est comme, voilà, si je dis je vais manger un sandwich, ça va, deux fois mes règles, ça va pas. Donc j'ai compris que c'est une question de dosage, mais comme d'autres choses aussi, hein, comme les larmes aussi. C'est vrai que dans un texte, certaines choses sortent plus fortes que d'autres. Et on se souvient d'une mention de règles ou de sang menstruel ou de la description beaucoup plus que si on s'est fait signer le bras et on le décrit aussi. Ça, faut aussi accepter et faire avec ça. Je veux dire, mais dans la danse contemporaine, je ne sais pas, les règles sont en général un peu niées, quoi. Voilà. C'est-à-dire, ça ne viendrait pas à l'idée d'une danseuse de ne pas performer parce qu'elle a ses règles. Mais elle aura plus d'efforts à faire pour être, énergétiquement, c'est plus difficile de danser avec les règles que sans. Et ça dépend aussi quel jour des règles, etc. Et comment ça se passe. Enfin, c'est quelque chose qu'on prend ou on prend sur soi, voilà. Jack Parker, auteur du Grand Mystère des Règles. Ginger. Il y a un film que j'aime énormément qui s'intitule donc Ginger Snaps, qui est un film de loup-garou, dans lequel une jeune fille se fait mordre par un loup-garou un soir de pleine lune, et ça tombe pile poil quand elle a 16 ans et quand elle est sur le point d'avoir ses règles, parce qu'elle a des règles tardives déjà, donc sa mère s'inquiète de voir qu'elle n'arrive pas. Et du coup, sa transformation en loup-garou et sa puberté se mélangent, et pendant une grande partie du film, on ne sait pas de quoi découlent les symptômes. Donc elle a des poils qui débarquent de nulle part, elle a des saignements qui débarquent de nulle part, des impulsions qui viennent d'un coup, on sait pas trop pourquoi. Et du coup, il y a vraiment plein de jolies métaphores dans ce film sur la puberté monstrueuse et menstruelle, et le fait que justement la puberté féminine fait peur. Déjà, en tant que femme, c'est compliqué. Nous-mêmes, on se voit comme des monstres. Nous-mêmes, on comprend pas ce qui se passe et on sent que les gens nous regardent différemment. Mais alors, pour les hommes, c'est encore plus mystérieux, c'est encore plus mystique. Et effectivement, il y a du sang qui arrive. Donc, c'est quelque chose qui, pour les hommes, est apparenté au monstrueux, au dangereux. Alors que c'est le seul sang pacifique, finalement, qui existe. C'est les règles. Who's the guy here? Huh? Who's the fucking guy here? Don't we need protection here? Stop it! Wait a second! Mais voilà, du coup, il y a cette espèce de dualité entre ce que les personnes vivent, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles attendent de la part de la société. Et dans Ginger Snaps, j'ai trouvé ça tellement intelligent de trouver cette métaphore avec les loups-garous, parce que pour moi, il n'y avait pas plus féminin comme mythe que les loups-garous. Et ça m'énerve que ce soit associé aux hommes, parce que le cycle de la lune, les transformations pendant quelques jours dans le mois, on a un personnage qu'on ne reconnaît pas vraiment. Est-ce qu'on peut faire plus féminin que ça? Je ne crois pas. Donc il faut arrêter d'associer ça aux hommes. C'est un truc féminin. Voilà. Oh my god. Get out. What happened? C'est vraiment ces quelques jours où je m'autorise à faire exactement ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Je mange ce que j'ai envie de manger sans me poser de questions de est-ce que c'est bon pour ma santé ou pas. Si c'est ce dont j'ai besoin, si ça me fait plaisir, je le fais. Et si j'ai besoin de rester 48 heures allongée devant une série, je vais faire ça aussi parce que ça me fait du bien et que je peux me le permettre. Et voilà, j'ai juste envie de m'occuper de moi et cette période me force à rester immobile, à me tranquilliser, à ralentir mon rythme et du coup à me poser les bonnes questions sur ce qui me fait du bien. Donc c'est une période menstruelle plutôt pas joyeuse mais heureuse, sereine. C'est ça, je souffre mais avec le sourire. Parce que je douille, parce que c'est chiant, parce que j'ai effectivement très mal pendant mes règles et que ça me pose problème parce que j'aimerais bien pouvoir vivre librement. Et en même temps je me dis, bah, le reste du temps, ça va, je suis libre, je fais ce que je veux. Donc s'il y a 3 jours dans le mois où il ne faut pas venir me chercher, eh bah, les gens feront avec, c'est tout, c'est comme ça. C'est pas grave. Il y a des gens comme ça qui se disent, bah, aujourd'hui je me suis levée du mauvais pied, je suis de mauvaise humeur, donc venez pas me saouler. Eh bah, aujourd'hui j'ai mes règles, j'ai envie d'être tranquille, venez pas me saouler, c'est la même chose. Et quand je suis obligée de sortir pendant mes règles, eh bah, j'ai plus aucun mal à demander à mes potes, notamment mec, de se lever et de me laisser une place assise quand il n'y en a pas d'autres parce que j'ai mal et que j'en ai marre de faire semblant et de souffrir en silence et de subir, alors que quand quelqu'un a mal à la cheville ou au ventre ou à la tête, on s'occupe de cette personne. Bah, quand j'ai mal pendant mes règles, bah, j'aimerais que ce soit su aussi et qu'on puisse prendre ma douleur en considération. Fichier 2. La première fois que c'est vraiment arrivé, c'était pendant un hiver très froid. Mais il y a eu un prélude quelques mois plus tôt. C'était les vacances. J'étais à la campagne chez ma tante avec des cousines de mon âge et il n'y avait plus que moi qui ne les avais pas encore eues. Alors c'est arrivé un jour pendant qu'on courait comme des folles au milieu des framboisiers sauvages et de broussailles. Je ne sais plus pourquoi on a été prise d'un fou rire, mais j'en ai fait pipi dans ma culotte. Et en l'enlevant, j'ai vu les taches rouges sur le tissu. Un souvenir de couleurs, des verts, les verts des broussailles, les rouges, des framboises, des coquelicots et du sang. Puis plus rien pendant des mois, jusqu'à ce 13 janvier où je les ai eus, pour de bon cette fois-là. J'étais seule avec ma mère, on vivait loin, au Canada. L'hiver était glacé, notre relation aussi d'ailleurs. Je lui avais demandé de l'argent pour m'acheter des protections hygiéniques. Elle me l'a donné et c'était tout. C'est intéressant parce que se joue un rapport mère-fille et puis... Aurélia Mardon, sociologue, auteure du Corps à l'épreuve du genre. Plus généralement aussi se joue la place de la fille dans la famille. Donc parfois effectivement les filles se taisent parce qu'elles ont aussi besoin d'un petit temps pour s'approprier elles-mêmes, toutes seules, cet événement, parce qu'elles savent que ça va changer quelque chose. Et c'est bien la force de cet événement, c'est un moment de transition identitaire. C'est-à-dire un moment qui va changer le regard que nous-mêmes nous portons sur nous, mais aussi que les autres vont porter sur nous. Donc ça nécessite parfois un petit temps d'appropriation. Alors parfois, ça ne produit pas d'effet. C'est-à-dire que c'est... Oui, alors parfois, les filles ont été tellement préparées que du coup elles n'en parlent pas à leur mère et leur mère apprend incidemment dans la vie quotidienne que oui elles ont bien leurs règles et en fait dans ce cas-là ça peut être lié au fait qu'elles ont tellement été bien préparées que finalement c'est un non-événement. Est-ce que les règles ça peut faire mal? Souvent, pour la plupart des filles, les règles ne sont pas du tout douloureuses. Ce n'est pas spécialement très fun, mais c'est pas non plus l'enfer sur Terre. Si vous avez des questions ou des craintes, essayez d'en parler. Si vous le sentez bien, vous pouvez en parler avec votre mère, elle saura vous rassurer. Vous pouvez aussi en parler avec une amie qui les a déjà eues ou votre grande sœur. Elles pourront vous expliquer comment faire de cet événement une simple routine. Et comment éviter les pièges des premières fois où les règles arrivent sans frapper à la porte. Ce qui m'est revenu à l'esprit, c'est qu'étrangement, c'est pas ma mère, c'est mon père. Sophie Doll. C'est mon papa qui m'a prise à part, qui m'a énormément responsabilisée comme future femme et qui m'a expliqué tout ce qui se passait. Alors, enfin, c'était peut-être un peu imagé, à la fois scientifique et enfantin, m'expliquant que, voilà, mon dedans se préparait comme un petit nid douillet. Peut-être il a dit quand même le mot utérus à un moment, se tapissait comme un petit nid douillet qui était destiné à accueillir la petite graine, c'est-à-dire un futur fœtus. Par contre, il ne m'a pas dit comment on faisait les enfants. Et que si il n'y avait pas de jeune fœtus installé dans l'utérus, eh bien, cette nidification, ce petit nid ne servait à rien. Alors, il s'écoulait tout seul tous les 28 jours. Et ça nettoyait. Et puis, c'était reparti la fois d'après. Au cas où un enfant serait destiné à être accueilli dans ce petit nid, alors, de nouveau, on tapissait les parois pour que ce soit confortable et tout ça. J'avais trouvé ça assez joli et c'est vrai que ça m'avait pas fait peur. Et je ne sais pas où était ma mère pendant ce temps-là. Dans la cuisine ou quoi? Où était ma mère? Je me souviens de ma grand-mère qui m'avait dit que quand elle avait ses règles, elle était tellement dégoûtée d'elle-même que... Sabine Macheur. C'était elle qui était gênée, quoi. Elle avait un culte du corps assez... Une idée de santé, par exemple, elle se promenait nue dans son appartement pour prendre des bains d'air. Enfin, disons qu'il y avait quand même l'idée que le corps demande un peu des ouvertures, quoi, et qu'il a ses droits et qu'il faut lui donner un espace. Mais oui, elle me disait que quand elle avait ses règles, elle était tellement dégoûtée d'elle-même qu'elle pouvait à peine, je ne sais pas, ouvrir l'œil. Ou, hein. Enfin, c'était un supplice, quoi. Vincent Jean-Mayer, de l'association Clean Your Cup. J'ai un rapport au corps qui est assez simple et qui est assez décomplexé. J'ai eu la chance d'avoir ce rapport-là. C'est culturel, éducationnel, c'est un cheminement personnel aussi. C'est peut-être des femmes aussi que vous avez rencontrées. Oui, sûrement. Enfin, je ne sais pas. Après, c'est... Moi, je suis issu d'une famille juive tunisienne. Et moi, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si c'est ma famille ou si c'est comme ça, mais la culture, déjà, veut que quand les filles ont leur règle, ce n'est pas quelque chose de caché. Et on leur offre un cadeau. Donc après, peut-être que ça tient à ça aussi, que c'est quelque chose qui n'a jamais été tabou chez moi. On n'en faisait pas non plus tout un étendard, quoi, mais moi, ce n'était pas caché. Les produits d'hygiène féminine étaient visibles dans la salle de bain, dans les toilettes, dans machin. Le jour où j'ai posé une question, on m'a répondu, et basta, quoi. De toute façon, je pense que la quantité d'hommes qui, aujourd'hui, n'est pas dérangée ou arrive à pouvoir avoir une réaction qui, moi, me paraît mature et normale et logique... Effectivement, sont une minorité, je pense. Et de toute façon, en France, on est en règle générale à la bourre sur toutes les thématiques autour, du genre, autour... Et effectivement, les hommes sont à la bourre. Ça tend à changer, j'espère. C'est en plus, globalement, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il y a vie et il y a naissance des individus parce qu'il y a les règles, en fait. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie, voilà, donc faut faire tomber effectivement le conditionnement culturel, politique, religieux qu'il y a eu autour des menstruations depuis des milliers d'années. Alors ça se fait pas en deux minutes, mais effectivement, il y a quelque chose quand même qui se passe. Noua, auteur du blog Unique en son genre. Bonjour, donc effectivement j'écris le blog Unique en son genre, j'ai 23 ans. Je me définis comme transgenre non binaire, c'est-à-dire que je ne suis ni homme ni femme. Après, j'aimerais bien qu'on me désigne par des pronoms neutres. J'utilise les accords masculins, mais c'est un peu par défaut parce qu'il n'y a pas de neutre en français. Voilà, je me dis aujourd'hui, c'est difficile d'arriver en disant je voudrais qu'on m'appelle avec un pronom que tu ne connais pas, dont tu n'as jamais entendu parler, que tu ne sais pas utiliser et qui n'est même pas dans le dictionnaire. Voilà. Donc, je me définis également comme bisexuelle. Et que dire de plus, je fais des études en biologie, si ça peut vous intéresser. Voilà. Du coup, pour moi, en fait, c'est pas que je recherche un abandon de la féminité. Déjà, on peut se demander plus philosophiquement qu'est-ce que la féminité. Même si j'étais en robe, par exemple, je suis pas sûre que je le définisse comme une féminité parce que je me ressens pas comme une fille. Donc pour moi, ce serait juste des habits. Les habits n'ont pas de genre pour moi. Et pour les règles, c'est un peu pareil. Je ne l'associe pas forcément à la féminité, puisque pour moi, c'est la société qui l'associe à la féminité, en fait. Je le vis juste comme une fonction biologique, en fait, que fait mon corps, mais je ne l'associe pas comme quelque chose de féminin. Est-ce que vous pensez que les règles sont encore taboues aujourd'hui ? Je pense que c'est encore un phénomène un peu tabou. On a du mal à en parler. Et je pense que c'est encore plus le cas justement dans la communauté transgenre, parce qu'il y a un peu cette idée que si tu es trans, en particulier un homme trans, tu vas vouloir te débarrasser de tout ça, faire une transition très binaire, très classique. Donc il y a encore ce stigma autour de ça. Ça me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo, c'était un homme trans qui racontait que suite à son changement de prescription de testostérone, en fait, il a re-eu ses règles, que ça a été particulièrement dur et qu'il n'osait pas en parler, qu'il avait eu ses règles, qu'il avait honte, etc. Mais finalement, ensuite, dans les commentaires de la vidéo, il y avait beaucoup de personnes qui, justement, se disaient soulagées qu'il en ait parlé, que ça leur avait fait du bien, qu'elles aussi, ça leur était arrivé, etc. Et toutes ces personnes, ça libérait la parole, en fait. Pour en revenir à une question un peu plus intime vous concernant, vous, quel rapport vous avez aux menstruations ? Moi, personnellement, j'ai pas de désir de stopper mes règles, ni même J'ai pas de dysphorie par rapport à ça. Donc la dysphorie, c'est une détresse ou un inconfort par rapport aux caractéristiques un peu sexuelles de son corps. Il y a récemment, j'ai commencé à m'intéresser un peu aux applications qui permettent de suivre le cycle, en fait. Là, j'ai une application qui s'appelle Kindara. Là, c'est les cycles. Après, on clique là. Ensuite, quand on a nos règles, on rentre si c'est léger, moyen ou lourd, etc. Vous pouvez lire les... C'est creamy, egg white, watery. Voilà, ça correspond à différentes textures. J'ai cherché sur la traduction pour voir ce que c'était. Et après, on peut rentrer d'autres informations, donc la hauteur du col de l'utérus, on est un peu déprimé. Moi, j'ai mis douleur au niveau du torse parce que j'ai ça avant mes règles, etc. Donc, on peut personnaliser. Et on peut rentrer aussi si on a eu des relations sexuelles. Ouais. Et ensuite, du coup, on clique là et on a le cycle, en fait, en cours. En rose, c'est la partie où on est fertile. Et donc, normalement, il y a la courbe de température qui vient se mettre par-dessus. Et avec ça, on peut savoir quand on a ovulé, parce qu'il y a un pic de température, je crois. Mais il faut encore que j'étudie la question, parce qu'il faut bien le maîtriser. Je trouve ça vachement bien, parce que ça nous permet de mieux connaître notre corps, et en fait, de reprendre un peu le contrôle dessus, plutôt que de prendre des hormones et pas trop savoir ce qui s'y passe. Enfin, c'est légitime si on veut le faire, mais je trouve ça bien aussi qu'on puisse vraiment savoir ce qui se passe dans notre corps, etc. Et je trouve que... C'est des méthodes dont on devrait plus parler, en fait. On devrait même enseigner, en fait, pour bien le faire, etc. Je trouve que ça serait bien. Ça arrive souvent le matin au réveil, où je me dis, hop, qu'est-ce qui se passe ? Laure Naïmski, écrivaine. Oh là là là là, c'est pas possible, je vais jamais réussir à franchir le cap de cette journée, mais il n'y a rien qui va, mais je suis vraiment une moins que rien. Je me dis, mais je suis vraiment une merde, mais la vie c'est juste un enfer. Mais... Et puis là, ça s'accompagne de crises de larmes qui sont vraiment violentes, quoi. Je suis secouée de spasmes. S'il s'agit de plier 3 chaussettes, de faire mon lit et d'ouvrir mon ordinateur, ça va juste me prendre 3 heures, en fait. Mais vraiment 3 heures, c'est-à-dire que je vais faire des pauses. Je suis obligée de m'asseoir sur le bord de mon lit, et puis là, c'est reparti, je vais m'en mettre à pleurer. Et ça va, comme ça, durer à peu près toute la journée, surtout si j'ai été fragilisée par des moments qui ne se sont pas bien passés sur un plan affectif ou personnel ou professionnel. Et puis, jusqu'à temps que les règles se déclenchent, ça, le processus va continuer. Il va y avoir des petites rémissions dans la journée où je vais aller mieux. Je vais me faire un café, apprécier le fait de boire un bon café. Et puis après, je vais me dire « Oh non, il faut que je me mette à travailler ». Et là, pof, je vais me remettre d'abord à pleurer avant de peut-être envisager de pouvoir ouvrir mon ordinateur et d'envisager peut-être de lire les mails de la veille. Et si j'ai un mail qui n'est pas super hyper positif, ça va repartir, mais non, mais t'es qu'une merde, de toute façon c'était sûr que ça allait pas bien se passer dans ce boulot. Et tout s'enclenche comme elle est vraiment, je pense, quelqu'un qui vit ce qu'on appelle une dépression, et je crois avoir jamais vécu de dépression. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plus aucun désir de rien. Moi j'ai la chance que ce soit violent sur une journée ou deux, et après, eh ben, c'est comme le mal de mer qui s'arrête, hein, c'est-à-dire que vous êtes content de sortir du bateau. C'est vraiment ça, en fait. Ça me fait penser au mal de mer. Et quand vous descendez du bateau, le contraste est saisissant. Vous continuez à chanceler un peu, à avoir du mal à retrouver la terre ferme. Mais waouh, quel soulagement! Et tout à coup, ah oui, les oiseaux chantent. Oh, il y a des fleurs. J'ai aujourd'hui 46 ans. Et c'est quelque chose que je connais, je dirais, depuis une dizaine d'années, en fait. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout connu avant. Ça a correspondu en fait à un moment où j'ai arrêté de prendre la pilule et j'ai consulté en fait une gynécologue qui a posé effectivement ce diagnostic-là. Cette dépression serait accentuée par le fait que je n'ai pas eu d'enfant et le sang vient me rappeler en fait chaque mois que je n'ai pas d'enfant et qu'a priori je n'en aurai pas. Et donc chaque mois, ce sang venait me rappeler que je n'en avais pas, et donc déclencher sans doute une dépression. Je me souviens d'une anecdote qui m'est arrivée dans mon dernier job. une petite altercation avec ma responsable où ce que j'avais fait ne lui convenait pas. Et elle le disait peut-être de manière un petit peu abrupte. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme abrupte. Et étant dans cette situation de fragilité, j'ai senti vraiment très très vite les larmes monter en moi. Je les ai retenues, donc j'étais vraiment au bord des larmes. Je sentais ma gorge se serrer, le ventre se nouer. Et je me disais, comment je vais endiguer ce flot? Vite, je me précipite dans le couloir d'abord, ensuite dans l'ascenseur. Là, dans l'ascenseur, je retrouve deux collègues par hasard qui descendent à la fameuse pause cigarette. Et donc, elles me prennent par les épaules en me disant, mais Laure, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, viens, reste pas comme ça, viens avec nous. Et donc, je descends avec elles. Et là, bah, je leur raconte en deux mots ce qui m'est arrivé avec ma collègue, et toujours incapable de leur dire que je suis dans une grande situation de fragilité due au fait que j'ai mes règles. Je les laisse se lancer dans une grande diatribe sur cette foutue précarité qui met en l'air notre existence. Et effectivement, compte tenu du fait que je suis en CDD et pas en CDI, je suis dans une situation de grande fragilité. Ah là là, personne ne s'en rend compte. Fume une cigarette, alors que je fume pas. Mais bon, je fume quand même ma clope. Et on remonte dans l'ascenseur, et là, poum, je repars en larmes. Donc on ressort de l'ascenseur, on va fumer une deuxième cigarette. Ah mais Laure, mais non, on peut pas te laisser comme ça. Et pourtant, deux femmes de mon âge, et j'ai été bien incapable de leur expliquer que j'étais aussi surfragilisée, parce que j'étais tout simplement en pleine période de règles, et que j'étais sujette à ces fameuses dépressions prémenstruelles. Et ça s'est terminé comme ça, où elles m'ont raccompagnée jusqu'à mon bureau, comme si j'étais vraiment victime du système. Quand même, c'est une réalité. Il y a des femmes qui sont touchées par voilà, un syndrome prémenstruel qui est extrêmement fort. Donc, pour moi, voilà, il y a... Aurélia Mardon. Il faut reconnaître aussi une physiologie voilà, spécifique et un vécu, surtout, plus qu'une physiologie féminine spécifique qui est construite socialement. Il faut reconnaître aussi un vécu spécifique. Et peut-être que ce congé menstruel, voilà, reconnaît ce vécu et donne l'occasion aux femmes de se faire entendre. Parce que cette question du syndrome prémenstruel, elle est importante aussi parce que peut-être que les femmes utilisent cette question-là pour se faire traiter différemment, pour réclamer un petit peu plus de douceur. Mais pourquoi? Mais parce que c'est peut-être le seul argument que la société veut bien entendre. Justement, cet argument physiologique de « nous avons un corps différent, donc tous les mois, il faudrait qu'on soit traité un petit peu différent ». Alors même que, bon, sur le partage des tâches, sur la double journée, ça c'est quelque chose que la société n'a pas envie d'entendre. Mais par contre, le fait de dire « on se sent pas bien une fois par mois et on aimerait bien mettre un petit peu freiner un petit peu le rythme », ça c'est quelque chose qui est acceptable pour la société. Mais quelque part, ça va se retourner contre toutes les femmes. Et c'est ça que j'aimerais faire entendre. Vous êtes belle? Non. Pas tellement appétissante. Quel âge vous avez? 25. Et toi? 23. Et moi, quel âge vous me donnez? La mer est montée. Ça vous dirait de coucher avec une vieille? Oui. Mais je vois pas de vieille ici. T'en vois une, toi? Non. Madame, merci beaucoup. Oh, c'est moi qui vous remercie. Ah non, c'est, je tiens beaucoup à vous remercier. Oui, ça m'a fait très très plaisir de déjeuner chez vous, vraiment. D'autant plus que je sors de prison, vous voyez. J'ai passé 10 ans dans une cellule humide et froide, et ça fait plusieurs années que mes règles ont disparu. Plus de sang, c'est fini. Alors, au début, ça commençait par des retards. On m'a emmenée à l'infirmerie, on m'a donné l'aspirine. Et puis, les retards sont devenus de plus en plus longs, vous voyez, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Alors, petit à petit, on oublie, et à force d'oublier, ça s'en va complètement. Pourquoi vous me dites tout ça? Moi, je suis pour rien. Oh, parce que je voudrais que vous compreniez la chance que vous avez de saigner tous les mois régulièrement, même si ça vous met un peu de mauvaise humeur. Tout ça, c'est pas grave. La mauvaise humeur, la nervosité, les ovaires douloureux, c'est rien, tout ça. Non, tout ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est plus saigner, vous comprenez? Au revoir, madame. Blandine Lenoir, cinéaste, réalisatrice d'Aurore, Moi, je me souviens d'avoir vu ma mère avoir une bouffée de chaleur spectaculaire et je n'étais absolument pas au courant de ce qui se passait. J'avais jamais entendu parler de ce truc-là. C'était déjà il y a quelques années, mais ça m'a hyper impressionnée de voir cet état qui me paraissait tout à fait handicapant, dont elle semblait avoir honte. Je comprenais pas ce qui se passait et à partir de là, j'ai trouvé tellement peu d'informations, tellement peu d'images au cinéma ou enfin partout. Je me suis dit, c'est pas possible. Déjà les règles c'est un tabou quand on est jeune fille. Faut qu'on se planque en allant aux toilettes avec nos petits trucs le plus discret possible et ça va être pareil à la fin. Enfin je trouvais ça assez emblématique quoi. Donc voilà. Maman, il est 10h. Tu devais pas partir à 10h? Ah. Canon. Ah, je suis morte de trouille. Ça va aller. Tout va bien se passer. Il n'y a aucune raison de s'angoisser. T'es chez toi là-bas et t'es la meilleure. Ok? Les mecs, ils grèvent des cœurs, des mains, des poumons. Ils mettent des bouts d'acier et des piles dans le corps. Ils sont même pas foutus d'inventer quelque chose contre des bouffées de chaleur. Ça me rend dingue. J'arrête pas de penser à Mamie en ce moment. Non. Tu sais ce qu'elle m'a dit le premier jour de mes règles? Maintenant, t'es une femme. C'est complètement con pourquoi elle m'a dit ça. Et du coup, je suis quoi maintenant? J'ai plus mes règles, je suis quoi? Bah, tu sais, tu m'avais dit ça aussi, hein. Non. Ah bah si. Parler des femmes vieillissantes, c'était un truc qui me paraissait hyper important. Déjà parce que moi, j'arrivais aux 40 ans et j'avais hyper l'angoisse de vieillir, mais très fort, beaucoup plus fort que chez mes amis garçons. Donc je me suis dit, pourquoi on a tellement peur, nous, les femmes, de vieillir et pas eux? Il y a quand même quelque chose qui va pas. Et c'est évident que c'est parce qu'on nous transmet cette idée que la vie des femmes dure de 20 à 40 ans, quoi. Donc quoi, c'est le temps de la fécondation. Après, est-ce qu'on est moins valable? Est-ce qu'on a moins de valeur? Est-ce qu'on est moins intéressante, désirable? C'est pas possible parce que... Enfin, c'est pas possible de vivre avec ce truc-là. Donc c'est ça d'abord qui m'a donné envie de m'y atteler. Et aussi parce que je voyais beaucoup de mes amis de 50 ans, magnifiques femmes, en forme, dans des carrières passionnantes, tellement belles, drôles, tout ce que tu veux, seules, avec leurs ex qui avaient refait leur vie, avec des jeunes enfants, et elles, leurs enfants quittaient la maison. Il y avait une espèce de truc comme ça qui était une espèce de fin du monde. Et puis je les voyais devenir, au contraire, comme des nouvelles adolescentes. C'est-à-dire que il y avait effectivement ce bouleversement hormonal très fort, aussi les enfants qui quittent la maison. Donc cette espèce de grande solitude devenait aussi finalement une nouvelle liberté qu'elles avaient perdue en devenant maman. Et là, waouh, c'est parti quoi, quand ce monde-là, on se l'approprie et ça devient juste très joyeux. Et c'est un peu ça que je voulais raconter, c'était le regard de la société qui te fait croire que quand t'as plus de règles, t'es plus bonne à rien. Et en fait, les femmes entre elles, etc., ne se disent pas du tout ça, quoi. Donc, ça me paraissait important d'affronter toute cette période-là avec le sourire et pour qu'on vive longtemps vieux heureux et vieille heureuse. Mais j'arrive pas bien à comprendre ce qui se passe. C'est très simple. Généralement, à partir de 40 ans, il y a accélération de la dégénérescence des follicules primordiaux jusqu'à arriver à zéro follicule. Lorsque le stock en ovocytes est épuisé, là, on parle de ménopause. Ah, parce qu'on a un stock d'ovocytes. On a un stock. Je savais pas. Il s'est vidé comme ça, d'un coup? Ah bah non. Non, non, il y a plusieurs étapes. Il y a la préménopause et la péri. La préménopause débute lorsque la fréquence des cycles diminue, ça c'est la spagnoménorrhée. Et la périménopause commence avec la préménopause et se termine un an après les dernières règles. Il faut attendre un an ou alors... Là, c'est sûr, enfin, c'est... je suis dans la spatio, dans la... spa... Dans quoi? Dites-moi si c'est pas clair. Si, c'est clair, mais... Et les bouffées de chaleur, alors? Il y a des femmes comme ça qui m'ont expliqué un peu cette histoire de perte d'identité en devenant plus désirable. Et ce que je me suis dit, c'est si on est plus désirable, en tout cas globalement, quoi, évidemment que si, mais comme ça, un peu... Ça veut dire que si on n'est plus un objet... Est-ce que c'est pas le moment où on devient quelqu'un, quoi, finalement? Quand on n'est plus obligé de séduire, quand... Je veux dire que jeune femme, tout le temps, on sait, en sortant de chez soi, on fait attention à comment on s'habille, parce que si c'est trop sexy, on va avoir des problèmes. Si ça l'est pas assez, on va nous dire qu'on sait s'aller. Si on n'est pas maquillée, on n'est pas assez féminine, etc., etc. Et du coup, je me suis dit, voilà, à partir du moment où tu es plus obligé d'être un objet de désir, tu es quelqu'un. Et ce quelqu'un, faut le trouver. Donc, voilà, c'est pour ça que ça m'amusait de jouer avec les trucs d'identité, les trucs de... Je ne sais plus très bien qui je suis, donc il faut que je me trouve. Quoi. Quand des jeunes femmes, enfin des jeunes femmes par opposition aux monoposées, je veux dire, Sophie Dole, sont rassemblées dans une même loge parce que le spectacle tourne ou joue beaucoup de plusieurs mois d'affilée, ça se vérifie à chaque fois. les cycles de ces femmes se resserrent et on les a toutes ensemble. Dans les loges de théâtre, je peux le dire, Raphaël, Sarah, Aurore et moi, sur Nicomède, un Corneille monté par Brigitte Jacques, on a beaucoup, beaucoup tourné. On a fini, au bout de quelques mois, des spectacles qui se sont joués plus de 200 fois, par avoir nos règles ensemble. Synchro. Synchro. La synchronisation du sang. Est-ce que c'est un mouvement solidaire? Est-ce que c'est un rassemblement hormonal? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est vrai. Les cycles se conforment, moins 2, plus 3, de telle sorte à devenir un cycle unique. Le cycle unique. Le cycle des femmes. Et évidemment, c'est l'objet de blagues et de fou rire et d'une complicité incroyable, impartageable. Là. Clairement, que ce soit resté intime, c'est ce qui nous aurait convenu le plus, mais ça finit par se savoir. Quand on a dans les couloirs d'un théâtre des filles qui galopent en hurlant « T'as pas une serviette ? Où sont mes tampax ?» et qu'on a toutes des boutons au même moment et la fameuse irascibilité de l'humeur au même moment, les garçons qui étaient tous par ailleurs des maris ou des compagnons ou des papas de jeunes filles, ils sont pas dupes. Ils identifiaient assez rapidement l'origine de ce désordre. Ah, c'est dame. En fait, j'aimais bien le rythme, je crois. Le fait qu'il y en ait un. Hein. Sabine Macheur. Et puis en même temps, il n'était pas complètement régulier. En tout cas, voilà, j'ai vu dans une assez longue période que maintenant, je ne sais même plus quand c'est, mais justement, si je regarde mes anciens agendas, parce qu'en plus, je garde tout, je pourrais revoir ces pages où, effectivement, les points rouges deviennent plus irréguliers. Et puis, puis ça s'est estompé très. Enfin, il y a eu des. Il peut y avoir des arrêts assez longs, et puis finalement, ça recommence. On ne sait pas vraiment. Voilà. Enfin, on sait que longtemps après, que c'était la fin, quand vraiment plus rien vient. En tout cas, j'avais cette boîte de tampons qui était de moins en moins utilisée quand même. Parce que, voilà, après, c'était des règles aussi, pas très. Enfin, c'était plutôt un peu des saignements, c'était pas du vrai sang, c'était plutôt un peu. Juste un peu de sang brun, mais. Qui coule pas, qui tâche un peu, voilà. Et je regardais avec un peu de saudade ces tampons, voilà, qui prenaient de la poussière. Et puis ma fille a commencé à utiliser des tampons. Mais justement, je me suis dit, mais c'est drôle parce que, en fait, je pourrais presque lui filer mes derniers tampons. Mais je me suis retenue, évidemment. Et je crois que j'ai fini par les jeter 2 ou 3. Parce que c'est vrai que finalement un tampon ça s'offre pas facilement, enfin ça s'échange facilement, on est toujours, avant j'en avais toujours sur moi et puis comme j'ai aussi du Doliprane, je sais pas d'autres choses et que les gens sont, il y a toujours quelqu'un qui en a besoin et qui est content, mais après voilà, passé un certain âge, voilà, j'ai enfin du tampon je vais dire, je crois que j'ai fini par le jeter. Et moi justement dans ce truc, la chose qui, enfin le sang qui s'arrête, et justement j'avais l'impression que c'était déjà fini. Enfin, il y avait eu tous ces augmentements, et après, il y a une longue période où il n'y avait plus. Donc, l'agenda est blanc. Et donc, je me dis, là, ça a l'air d'être ça. Et puis, j'ai eu une petite histoire d'amour. Et puis, il y a eu un tout petit peu de sang. Et ça m'a fait vachement plaisir. Enfin, c'était pas vraiment du sang, mais c'était voilà, clairement brun. Et puis, j'avais senti aussi quelque chose dans la région des ovaires et de l'utérus. Et je me suis dit, oh, comme, je sais pas, comme un petit mouchoir qu'on remue faiblement, tu sais, pour dire « Je me souviens !» Stand up. You've got to manage. I won't sympathize. Nos blessures régulières de Juliette Boutillier et Nathalie Battus avec Aurélia Mardon, sociologue, auteur du Corps à l'épreuve du genre, Sabine Macheur, écrivaine et danseuse, Sophie Doll, écrivaine et comédienne, Laure Naïmski, écrivaine, Noua, auteur du blog Unique en son genre, Vincent-Jean Mailleur de l'association Clean Your Cup, Jack Parker, auteur du Grand mystère des règles, Blandine Lenoir, réalisatrice d'Aurore. Mixage Alain Joubert. Remerciements chaleureux à Maria Grazia Noce, à tous les amis ayant accepté d'envoyer leurs témoignages et ressentis, Anne, Karine, Samira, Tania,